L'actualité à Nancy et ailleurs. L'association Lecturique propose à Nancy des lectures thématiques cet été, les mardis de juillet et août. Nicole Granger, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Lecturique et oui. Une association qui est née dans les années 80, donc il y a quelques années d'existence déjà. C'est née à la Fac de Lettres de Nancy, hein, c'est bien oui. ça? Oui, oui, tout à fait. Alors, quelle était l'idée de départ de cette association au début? Eh bien, tout à fait point de départ, c'était de faire intégrer dans la mentalité des liseurs ou des lecteurs la valeur de la lecture de jeunesse. À ce moment-là, la lecture de jeunesse elle commençait pas du point de vue de la réalisation, mais elle commençait du point de vue de sa réception par le public et de la rénovation qu'elle proposait pour l'introduction dans les programmes scolaires ou autres. À ce moment-là, c'était un véritable combat parce que les gens préféraient ou avaient la formation pour être plutôt dans une lecture classique et ça les déroutait d'introduire la lecture de jeunesse. Donc on a été beaucoup dans ce sens-là, c'est-à-dire c'est un point de vue pédagogique qui nous a conduit vers cette activité, mais petit à petit on s'est rendu compte que beaucoup de gens ne lisaient pas, n'aimaient pas lire ou étaient incapables de lire pour des raisons diverses, soit psychologiques, sociales ou mentales ou autres, et que on pouvait là essayer de se porter au secours des non-lecteurs pour les aider à rentrer dans le monde magique de la lecture. Alors, en 2018, maintenant, plus de 30 ans après la naissance de cette association, beaucoup sont nés, beaucoup ont grandi même avec l'association Lecturique. Qu'est-ce qui se vit aujourd'hui au sein de l'association Lecturique? Quelles sont vos activités? Eh bien, chaque année, on propose aux enseignants d'accepter une valise de livres qui viennent un petit peu à l'appui de ce qu'ils cherchent eux-mêmes. Parce que, comme vous le savez, les enseignants de français ont un programme extrêmement restreint, pas beaucoup d'heures. Et on peut les aider en leur proposant une liste de livres ou des livres réels qui pourraient être abordés dans les classes. Ça, c'est le travail autour des valises de livres. Alors, les enseignants les prennent ou les prennent pas, c'est comme elles veulent. On écrit à tout le monde et ceux qui désirent cette valise l'ont. Mmh. Et il y a 5 valises qui sont en place, CE1, CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, 3e, et jeunes adultes de seconde ou de technique. Alors l'association Lecturique lit pendant toute l'année jusqu'à proposer, vers le mois d'octobre ou novembre, une valise comportant une quarantaine de livres, qui sont des nouveautés de l'année ou des rééditions, pour les proposer aux scolaires. Et alors les enseignants et des documentalistes les mettent en valeur, et les mettent à la portée des élèves surtout, pour les tenter. C'est une chose qui a beaucoup de succès. Ça, c'est l'activité scolaire. Exactement. Un bel exemple donc, de cette intervention de l'association Lecturique. Vous intervenez aussi au sein de l'hôpital, je crois. C'est-à-dire qu'en dehors des valises qui sont la chose pédagogique, entérinée, scolaire et prise sur le plan universitaire ou sérieux, nous allons dans tous les lieux où il est possible de lire et où nous avons la force d'aller. Oui. On a beaucoup été chez les clochards, en prison, dans les structures de réinsertion, dans les milieux où ça va pas, quoi. Tous les milieux où la lecture ne va pas de soi et où on nous accepte avec nos livres, nos thématiques. Alors, il y a l'hôpital. Il y avait beaucoup d'endroits, quoi, finalement. Mais c'est plutôt là, les choses dépendent plutôt de notre force pour y aller. Je veux dire qu'on est une petite équipe et on prépare des pédagogies très soignées. Cette année, on est allé à Rosière-Roussanine auprès des traumatisés crâniens où nous avons eu un accueil merveilleux. Et alors, on prépare pour eux, pour les gens que nous rencontrons, des phases de lecture dans lesquelles ils entrent avec plaisir. La littérature, donc, pour recréer un dialogue aussi, c'est bien l'objectif de ce que vous allez proposer, notamment, enfin, ce que vous proposez déjà tout au long de l'année aussi avec les mardis. Comment ça se passe, justement? C'est nous qui allons beaucoup à la rencontre. Oui. Et on a toujours pensé que c'était à Lecturique de sortir de son confort pour aller dans les lieux où la lecture n'était pas agréée. Ça avait été beaucoup le rôle du bus Chocolecture, vous savez. Oui, exactement. C'est-à-dire de sortir de Lecturique pour proposer des lectures qu'on met au point, parce qu'on n'entre pas en lecture comme ça tout d'un coup, mais en même temps, il n'y a pas de formule magique. C'est-à-dire on ne sait pas du tout quand et comment les gens vont entrer en lecture. Ce qu'on fait, c'est une proposition aussi large que possible, aussi accessible que possible, et Et on ne sait jamais pour qui et comment arrivera le phénomène lecture. Alors, on sort un peu du cadre scolaire, c'est les vacances, mais l'association Lecturique, eh bien, est toujours là. Ah ben oui, puis hein? Comme je viens de vous le dire, on n'est pas beaucoup, dans le cadre scolaire uniquement avec les valises. Tout le reste du travail, c'est hors cadre scolaire, justement. Exactement. Dans les lieux d'aventure, quoi. Cet été, donc les mardis de juillet et août, eh bien, voilà, l'association Lecturique, on va vous retrouver. Nous aurons de la lecture. Alors là, c'est aussi une question tout à fait de hasard et de circonstances, parce que les gens viennent ou viennent pas, s'intéressent ou s'intéressent pas. C'est une aventure qu'on va tenter. Alors, on vous retrouvera donc les mardis à partir de 17h dans différents parcs de la ville de Nancy. Alors, on retrouve tout ça sur le site de la ville. Eh bien, on a choisi des petits parcs, pas forcément la Pépinière ou le parc Sainte-Marie. Déjà, d'amples visites de gens de toutes sortes. Oui, il y a le parc de la Citadelle, le parc Charles III, voilà, la Cure d'Air, Gaudron. Voilà, abandonné. Exactement. Donc, on retrouve tout ça sur le site Lecturique. Donc, on vient simplement à 17h. On vient où on passe, enfin, le hasard aura sa part dans la Bien sûr. On vient, on n'est pas du tout obligé de lire soi-même, mais si on le veut, on le peut. Des lectures sur le thème qui vient d'être choisi, c'est-à-dire des lectures brèves et variées. Brèves pour ne pas fatiguer l'assistance, et puis aussi parce que, évidemment, les gens qui vont s'arrêter ne sont pas forcément des bons lecteurs, et alors on ne veut pas les assommer tout de suite avec des lectures longues. On propose des lectures courtes sur un thème, justement, pour que ce soit un peu centré, quoi. Quelle thématique, justement, vous pouvez choisir? Eh bien, on a choisi pour cet été, comme c'est la première fois qu'on fait ça, on a choisi tout ce qui concerne, j'allais dire, la nature et le temps, l'été, les nuages, la mer et la montagne, le soleil, enfin, des choses qui parlent de l'été pour ceux qui passeront leur été à Nancy. Voilà, une occasion de s'évader donc avec l'association Lecturique. À travers des textes merveilleux, bien sûr. Eh bien, Nicole Granger, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Retrouvez toutes les infos concernant l'association Lecturique sur leur site associationlecturique.wordpress.com. Des coordonnées que vous retrouverez bien entendu sur notre site fadjet.net, rubrique Actu à Nancy et ailleurs. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.